dégradation psychique et physique. Voilà le sujet qui va être l'objet de l'enregistrement présent, fait au mois d'octobre de l'année 2025. En fait, récemment, j'ai mis en ligne une vidéo, en fait, il y a quelques jours, qui s'intitule « L'occulte de la dégradation des capacités physiques ». Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous propose de l'écouter là, avant d'écouter l'enregistrement présent. C'est que après avoir mis en ligne cet enregistrement, donc il y a un auditeur qui m'a écrit un message. D'ailleurs, je le salue, s'il m'écoute. Donc, il s'appelle Gino Côte. Donc, j'imagine que ça doit être Gino Côté. Il m'a écrit un message, donc en bas de l'enregistrement, que je vais lire et ensuite commenter. La dégradation physique provient de la dégradation psychique, psychologique et émotionnelle. Donc, s'il y a un scan avec une dégradation physique dans le cerveau ou ailleurs, ça a été précédé par une dégradation psychique, psychologique qui s'est reflétée dans le monde physique, dans le corps physique. Bien sûr, l'environnement, la nutrition jouent un rôle, mais la plupart du temps, la mauvaise alimentation est souvent liée par compensation psychologique. Comment manger du sucre pour se récompenser, pour se conforter et activer les hormones du corps afin de nous permettre de nous mettre, pardon, dans un autre temps énergique ou émotionnel. Mais toutes ces compensations ont un prix. Compensation pour remplir certains vides psychologiques et émotionnels. Donc ici, j'arrête la lecture pour commenter. En fait, ce qui est intéressant, c'est de réaliser que la dégradation physique qu'une personne peut connaître à travers le vieillissement et dans certains cas, une usure prématurée, peut être mis en relation avec l'état psychique, psychologique, émotionnel de la personne. Donc, si la personne mange mal, elle mange trop sucré pour faire, en anglais, on va parler de food comfort, donc la nourriture qui donne un sentiment de confort puis de réconfort, donc une forme de compensation à travers l'alimentation. Parce que la personne n'est pas bien dans sa peau puis elle n'a pas la puissance de volonté pour changer sa vie, pour l'être davantage, bien, c'est la compensation qui, sur une longue période de temps, bon, bien, si la personne a un taux de sucre trop élevé dans l'organisme, l'organisme réagit mal. Dans certains cas, il y a des personnes qui vont développer du diabète. L'organisme gère mal l'absorption du sucre. Et, ça peut développer différents types de problèmes de santé. En fait, le corps biologique humain qu'ont les personnes, et ça je le rappelle souvent dans les enregistrements, n'a pas été conçu puis développé au cours des millénaires précédant l'ère industrielle présente avec une abondance d'accès à des grandes quantités de calories avec la nourriture industrielle, n'a pas été développé pour vivre dans une situation d'abondance de nourriture, mais plutôt de rareté, voire de pénurie. Donc, pendant des millénaires, les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, vivaient dans une pénurie d'accès au sucre. Il n'y avait pas des cornets un peu partout du dessert. Le sucre était un élément qui était rare. Et puis, nos corps ne sont pas adaptés à l'abondance de sucre raffiné, là, comme on peut le connaître depuis les dernières décennies là, dans les sociétés occidentales. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une composante. Ce qui est intéressant, c'est de l'étudier, une composante psychique à la dégradation physique. La composante psychique, c'est le fait que la personne est chevauchée par l'astral et vampirisée dans ses énergies vitales pour avoir des ajustements dans sa vie qui manquent d'ajustements par rapport à la conscience de l'esprit. Tant que la personne est coupée de l'esprit, sa conduite sur le plan physique, biologique, ne peut pas être totalement ajusté. Puis là, il y a une dégradation que ça occasionne automatiquement. L'individu qui est coupé de sa lumière puis vit dans la noirceur, ben, il manque d'éclairage. Puis là, c'est un peu un cercle vicieux parce que pour que l'esprit descende, il faut que l'individu soit capable de contenir son énergie. Puis pour être capable de contenir cette énergie, il doit avoir les corps. Puis les corps sont développés sous les impulsions de choc énergétique qu'engendre l'esprit pour qu'il acquiert une densité énergétique permettant une capacité de contenance de l'énergie qui se rapporte à sa source. Mais pour en revenir aux propos, c'est que Il disait, s'il y a un scan avec une dégradation physique dans le cerveau ou ailleurs, ça a été précédé par une dégradation psychique, psychologique. Ça serait fait dans le plan physique. En fait, dans l'autre enregistrement que j'avais fait, c'est-à-dire le culte de la dégradation des capacités physiques, je faisais allusion aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et si ces gens vont passer, dans le fond, une... là, je cherche le mot. Une électro... qui vont passer un scan du cerveau avec un électroencéphalogramme, un beau terme complexe, on peut voir la présence, dans certains cas, de patients atteints élevés d'Alzheimer, de trous dans le cerveau liés à la mort des neurones. Mais ce qu'il faut se poser comme question, pourquoi que les neurones sont mortes? Pourquoi il y a ces trous dans le cerveau, il y a une dégradation? Mais là, ça peut être en lien avec certains comportements. C'est sûr que la personne apprend trop de sucre, elle gère mal le stress qui crée des tensions, elle a certains éléments délétères dans sa vie, bien, c'est sûr que ça peut avoir une incidence sur le cerveau. C'est un peu comme... les comportements sur plusieurs années ont un impact. Et il y a une composante occulte au niveau de la démence par rapport au chevauchement astral qui prend de plus en plus d'emprise sur l'individu, puis l'individu n'est plus là, puis finalement il y a une énergie qui passe à travers lui, puis bon, la personne dans certains cas perd ses inhibitions, puis les enfants qui ont vécu avec une personne ne la reconnaissent plus. Pourquoi? Bien, parce que la personne qu'ils ont connue avec une certaine dignité, une certaine contenance, bien, la contenance se dégrade à mesure que la maladie avance, mais il faut réaliser que la personne, c'est un corridor d'énergie, fait qu'elle peut être chevauchée de plus en plus par une entité astrale, et puis à un moment donné, bien, ils sont confrontés avec des gens qui ont le regard vide et qui, dans le fond, sont comme dans une brume, un brouillard, et, un chevauchement énergétique. Et l'entité astrale qui peut passer à travers de la personne qui ont aimé pendant de nombreuses années, ça peut être un parent, un membre de la famille, va créer des oppositions par rapport à l'enfant, avoir des propos déplacés, etc. Des fois même être violente, la personne. Dans certains cas, il y a des personnes qui vont être agressives, etc. Mais la personne, il faut qu'elle réalise qu'il ne faut pas qu'elle prenne personnellement et que la personne qu'elle a aimée pendant de nombreuses années peut être chevauchée par une entité. Puis là, il y a un travail de distanciation énergétique qui peut s'opérer. Sinon, l'autre fois, j'avais fait un enregistrement en lien avec le phénomène de lucidité terminale. Donc, dans certains cas, il y a des gens fortement atteints de la maladie d'Alzheimer. Puis ça, au niveau scientifique, ça devient intéressant à étudier. Donc, des gens qui ont beaucoup de démence, qui ont une dégradation du cerveau qui s'observe physiquement par rapport à la présence carrément de trous qu'on peut voir... avec l'imagerie par résonance magnétique. Et puis, dans certains cas, ces gens-là, quelques heures, quelques jours avant de mourir, vont faire preuve d'une grande lucidité qu'ils n'avaient pas dans les mois ou les semaines qui ont précédé le décès, donc à quelques heures des fois du décès. Puis ça commence à être documenté. Puis là, ce qui m'est venu, dans le fond, dans la tête après avoir fait l'enregistrement, parce que des fois, moi, je voulais avoir une explication plus approfondie. Bon, j'avais parlé de ça dans le dernier enregistrement, j'étais plus ou moins satisfait, puis à un moment donné, je faisais d'autres choses, puis l'idée m'est venue en tête, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs, c'est pas moi qui pense. Bon, ben les gens qui sont atteints de démence et d'Alzheimer, c'est pas eux autres qui pensent. En fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'information est comme sur un cloud. Donc, on va parler d'infos nuagiques pour les plus jeunes qui grandissent avec la technologie, le web. Bon, mais sur un lieu d'infos nuagiques auquel on peut se connecter, toute l'information qui est là peut être accessible si on est en mesure de la télécharger adéquatement. Puis c'est le même principe par rapport à une personne. Une personne sur l'info nuagique psychique, si on peut dire... sur la mémoire de la personne qui est par-delà le corps biologique, bon, mais l'information est là que telle personne a un fils qui s'appelle tel nom, puis qu'il avait déjà fait un voyage ensemble il y a 15 ans, ça a été une occasion de se rapprocher, ainsi de suite. Bon, mais tout le détail d'un souvenir très spécifique, précis, qu'on pensait qu'il était oublié, est tout là. Mais pour avoir accès à cette information-là, dans certains cas, ça peut être une altération psychique. Mais prenons par exemple le cas d'une personne qui ne reconnaît plus ses proches, puis tout d'un coup, ah, il reconnaît la présence de sa fille, il est capable de l'appeler par son nom. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que sa conscience se connecte momentanément sur l'info nuagique où l'information réside, sur ce plan de réalité. Mais ça ne dure pas nécessairement longtemps. C'est comme un contact minime de lucidité, mais l'information est à quelque part. Les erreurs des scientifiques, c'est de partir du principe que toute l'information qu'a la personne est dans le cerveau physique et de croire que le cerveau physique sécrète les pensées comme le foie va sécréter la bile, alors que c'est une erreur. C'est sûr que la qualité du fonctionnement, la présence des neurones et aussi certaines parties des hémisphères du cerveau ont un impact sur le traitement de l'information, des données, je ne dis pas le contraire. C'est sûr que si le radio est endommagé, il va avoir de la difficulté à capter adéquatement la transmission radiophonique. Mais c'est pas parce que le cerveau ou la radio est brisé qu'il n'y a pas d'émissions de radio qui sont là. C'est juste qu'ils ne peuvent pas l'intercepter. Donc, c'est sûr que le point que je voulais dire, c'est que si l'interface, c'est-à-dire le cerveau physique biologique, n'est pas capable d'intercepter adéquatement l'information, c'est sûr que puis la personne est chevauchée par l'astral, donc au lieu d'intercepter une information en lien avec un état de présence d'esprit dans la brume de l'astral, c'est sûr qu'elle ne pourra pas voir clair par rapport à ce qui se passe, puis elle ne peut pas être raisonnée, comme en espèce d'état de psychose, de perte de contact avec la réalité dans un sens. Là. Donc, mais c'est ainsi, hein? Les mécanismes de la vie, des fois, sont insidieux. Puis là, il y a une série de cercles vicieux qui peuvent s'accumuler. Puis là, ça devient intéressant d'en faire l'étude. Ça me parle beaucoup intérieurement, l'histoire de la dégradation psychique qui amène à la dégradation physique, et ainsi de suite. C'est comme, il y a des gens qui vont parler des sept corps énergétiques. Il y a le corps, dans le fond, absolu, causal. Il y a le corps bouddhiste, bouddhique, atmique, astral, etc. C'est des catégories que j'utilise pas parce que sont complexes, sont abstraites, mais l'idée, c'est que les corps les plus, dans le fond, éthériques vont vers le plus dense, mais moi, je vois les choses d'une manière multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des éléments physiques qui dégradent aussi le fonctionnement cognitif. Prenons par exemple le fait qu'il y a des jeunes qui sont exposés à des produits de pesticides en grande quantité. C'est sûr que ça des perturbateurs endocriniens. Bon, ben ça perturbe le fonctionnement normal du système endocrinien, ce qui fait que la personne, dans certains cas, peut se ramasser avec un fonctionnement sur le plan des neurones atypiques. D'ailleurs, j'avais écouté à un moment donné un documentaire qui expliquait qu'il y avait une plus grande quantité d'enfants qui naissent atteints d'autisme. C'était par rapport à des travailleurs agricoles en Amérique. Le drame est encore plus grand parce que c'était des gens issus de l'immigration qui n'étaient pas nécessairement fortunés. Donc, eux autres, ils vont travailler en faisant de l'étalage de pesticides, de produits chimiques dans des champs. Puis les familles qui vivent proches des champs se sont rendues compte que finalement, il y a une quantité plus importante d'enfants qui sont atteints d'autisme. Et que, à quelque part, l'exposition à des produits chimiques comme des pesticides en grande quantité peut perturber le développement normal du fœtus ou de l'enfant. Puis là, comme c'est des gens qui sont peu fortunés, naturellement, ils n'auront pas nécessairement l'argent pour faire affaire avec des spécialistes pour accompagner les jeunes dans leur développement, notamment sur le plan scolaire, académique. Fait que là, ces gens-là sont encore plus pénalisés. Ça crée des cercles vicieux. Donc, c'est des choses que j'ai étudiées dans le passé. Le point, c'est que c'est ça. La dimension physique malsaine, parce que sur Terre, on est confronté à beaucoup de pollution physique, mais c'est en relation qu'entre autres, la pollution psychique, on crée des inventions qui sont désajustées par marque de contact avec l'esprit et désir de profit, d'avidité. Quelqu'un qui est réellement conscient va porter un regard très critique par rapport aux pesticides. Certes, les pesticides ont une utilité pour éliminer des insectes, mais quand tu réalises qu'il y a des pesticides qui sont des neurotoxiques pour les insectes, donc qui sont toxiques pour le fonctionnement neuronal des insectes, puis que tu as des êtres humains qui sont exposés à ça, 1 plus 1 fait 2. Est-ce que ça pourrait être toxique aussi pour des êtres humains? Puis là, il faut se poser la question, puis il faut se réajuster. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des puissances astrales qui font en sorte que ben, on cherche. Puis en même temps, chercher le profit, j'étais un petit peu. J'ai été longtemps critique par rapport aux gens qui sont dans la recherche du profit, mais en même temps, on est confronté dans une société que si on ne fait pas d'argent, on s'appauvrit, puis il y a un paquet de cercles vicieux, puis dynamique de l'exploitation, des rapports de prédation entre celui qui possède et celui qui est possédé, entre celui qui est le créancier d'une dette puis l'autre qui s'endette, puis celui qui possède la dette peut s'organiser pour que celui qui est dépossédé de ses avoirs réels, ses actifs, à travers le phénomène d'endettement, s'en sorte jamais, pour tout le temps lui siphonner ses énergies. Donc, on a les rentiers qui vivent au détriment des banques centrales, comme par exemple la Banque centrale des États-Unis, la Fédérale Réserve, qui n'a de fédéral que le nom, parce que ça se rapporte à des intérêts privés qui prêtent de l'argent au gouvernement américain, produit à partir de rien. Croyez-moi pas ce que je dis, faites vos vérifications, mais qui chargent des intérêts qui sont réels. Puis ça permet à des gens très riches de s'entretenir puis vivre au crochet des citoyens américains qui voient le produit de leur travail, c'est-à-dire les impôts qui sont imposés en lien avec leurs revenus, aller pour payer une dette créée à partir de rien et qui va enrichir certaines personnes du système qui ont tout intérêt à ce que le système de l'endettement se maintienne puis que les États-Unis s'enlisent de plus en plus puis de plus en plus rapidement dans de la dette pour s'attirer les énergies vitales puis procéder au vampirisme énergétique. C'est une dynamique de la prédation qui est là sur Terre, il y en a d'autres. Mais ce que j'ai à dire, c'est que l'individu qui se conscientise, qui s'occupe de sa santé physique, financière, c'est sûr que moi, je suis rendu à 44 ans, là. J'ai plus 20 ans, là. Je suis pas, dans le fond, dans l'illusion que je vais changer le monde. La seule chose que je peux changer, c'est ma vie. Puis à ce moment-là, c'est de m'occuper de mes finances. C'est sûr que je trouve regrettable toute l'exploitation humaine qui est faite par l'être humain, une conscience critique, mais j'ai à m'organiser pour ne pas en être victime et en souffrir. Mais le point que je veux faire, je vais aller de manière peut-être un peu plus impersonnelle par rapport au sujet de l'étude d'aujourd'hui, c'est que la dégradation psychique d'une personne, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire, la personne qui sombre sous l'influence astrale, sur des dictées qu'elle reçoit qui l'amènent à devenir de plus en plus médiocre. Donc, sous influence astrale, tu as des gens qui ne sont pas capables de contenir des charges énergétiques qui proviennent de l'esprit. Puis à ce moment-là, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils se droguent, que ce soit à travers de la médication, à travers la consommation de drogue, ensuite à travers la dépendance aux jeux d'hasard, etc. Ils cherchent à s'échapper à certaines choses. Contenir la souffrance à froid, sans prendre de la médication, sans prendre d'antidépresseurs, c'est pas nécessairement évident. Ça demande de la force intérieure. Mais c'est cette force-là intérieure précisément qui permet de contenir la réalité d'une vie humaine sans avoir drogué de la médication, qui peut faire en sorte que la personne va être capable de contenir les assauts de l'astral puis garder une puissance de volonté ferme qui va favoriser une lucidité jusqu'à la fin de son existence sur le plan physique pour ne pas être chevauché par l'astral puis être dans un état de démission psychologique. Mais pour arriver à ce point-là, c'est pas donné à tout le monde. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que il y a un paquet de cercles vicieux sur Terre. Les gens sont confrontés à une dynamique planétaire de prédation en relation avec la pollution psychique qui échappe aux perceptions humaines en général. Les gens ne le voient pas. Ils sont manipulés par à leur insu. En fait, la plupart des gens n'ont pas nécessairement une conscience critique par rapport à la pensée. Ils n'ont pas intégré le principe de la pensée. Il vient d'ailleurs, il vient pas d'eux, dans le sens que c'est pas le cerveau qui crée la pensée. Mais c'est ainsi. Je pourrais faire 3000 enregistrements où j'aborde ce principe-là de long en large puis les implications dans le vécu au quotidien, mais ça ne changera pas la masse. Mais ce qui importe, c'est que ça me change. Je m'organise pour ne pas me faire chier par rapport à ça. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est pas se faire chier, c'est comprendre les lois d'énergie. Les lois d'énergie, par rapport à de la dégradation d'une personne au fil du temps, ben c'est lié à de l'entropie. T'sais, la personne moins elle bouge, moins est capable de bouger, plus qu'elle est sédentaire. Plus qu'elle est sédentaire, plus dans certains cas, va avoir tendance à manger en regardant la télévision ou aller évoluer un petit peu plus. Donc, au lieu de passer le temps devant son écran, de son téléviseur, elle passe son temps devant l'ordinateur. Mais pour être en forme physiquement, ça prend de la force de volonté, bouger. Moi-même, des fois, je me botte le derrière pour aller faire mon entraînement physique, soulever des poids et haltères, aller faire mon jogging, sortir de la procrastination. Ça demande de l'énergie. Être capable de dire non aux tentations de l'astral, comme boire de l'alcool en grande quantité ou manger des desserts très sucrés, ça demande encore une fois de l'énergie. Donc, en fait, le point, c'est que pour rester en équilibre sur Terre, ça demande une très, très, très, très grande puissance de volonté. Puis là, je pourrais en mettre encore plus d'adjectifs. Et puis, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est que quand je regarde la plupart des problèmes humains, il y a tout le temps un enchevêtrement. Tu sais, la personne, à un moment donné, est moins en forme sur le plan physique, elle ne s'entraîne pas, elle ne bouge pas. À un moment donné, elle a de la difficulté à se lever de la chaise. Il faut qu'elle s'accote sur les côtés de la chaise. À un moment donné, elle a de la difficulté à soulever les pieds dans les airs, ainsi de suite. Puis à un moment donné, elle perd de la mobilité, elle devient en perte d'autonomie. Puis à un moment donné, elle ne peut plus se lever, puis elle reste en chaise roulante. Il y a comme une dégradation musculaire qui va dans un sens d'entropie. Pourquoi qu'il en est ainsi? Ce que ça me répond, c'est que c'est des lois d'énergie. Le corps physique est en relation avec différents niveaux de programmation, mais il y a des programmations qui visent à l'user prématurément ou à le parasiter. Mais pour les percevoir, pour les comprendre, ça prend la lucidité. Puis pour avoir cette lucidité-là, ça prend la sensibilité, ça prend l'intelligence. Puis pour avoir l'intelligence, il faut avoir un contact avec l'esprit, puis avoir le contact avec l'esprit, il faut contenir les chocs énergétiques qui mènent à cela. Naturellement, les gens qui ont envie de la conscience supramentale qui permet d'être lucide par rapport à la dégradation psychique qui génère de la dégradation physique, puis d'être capable de voir clair par rapport au chevauchement d'entités, naturellement, ben c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est pas une question d'élitiste humain par l'ego. C'est des réalités occultes qui sont en relation avec des capacités de contenance de l'ego et d'imposition vibratoire. Ce qui est pas pareil. Moi, ce qui m'est imposé dans ma vie, c'est pas la même chose que nécessairement imposé à mon voisin d'à côté de chez moi. On a chacun des potentiels de charge énergétique qu'on peut contenir. On a chacun de l'astral qui peut chercher à nous chevaucher, à faire de la colonisation psychique, mais l'esprit aussi qui peut chercher à déloger l'astral en nous par, dans le fond, des personnes de notre environnement qui sont vecteurs de choc. Moi, en tant que personne dans ma vie, ce que je peux dire, je suis rendu à 44 ans au moment où j'ai fait cet enregistrement. Depuis ma naissance, je suis confronté à des gens qui sont très terre-à-terre, sont très pratiques, avec des grosses vibrations. Là. Puis là, ces gens-là vont me confronter en disant « Toi, Chris, arrête de faire du pelletage de nuages, sois concret, sois pratique. » Je suis confronté tout le temps dans une espèce de pragmatique. Où ce que tu parles, ben là, c'est des beaux principes spirituels, mais c'est de l'hostie de marde dans le concret. Le langage avec lequel je suis en contact avec les gens, puis leur type de vibration, il y a un côté violent puis de confrontation. Puis avec le temps, il faut que je m'ajuste. Oui, dans mon passé, j'étais quelqu'un d'abstrait, théorique, etc. Je suis sans doute encore à un certain niveau, mais je suis tout le temps obligé de me réajuster avec des éléments très pratico-pratiques. Mais c'est la réalité planétaire qui veut ça, là. Tu sais, c'est qui m'oblige à ça dans une certaine mesure. Mais c'est ainsi, on a des programmations, puis d'autres programmations qui peuvent chercher à réajuster. Personne très théorique, idéaliste, naïf peut être confronté à des chocs liés à de la réalité très pratique, des préoccupations très terre-à-terre, là, comme avoir de l'argent pour payer son loyer, avoir de l'argent pour manger. C'est sûr que ça aide à enraciner dans la matière, c'est être préoccupé par ces choses-là. Donc, La réalité terrestre m'a amené, entre autres, dans les dernières années, à m'intéresser à la crypto-monnaie, l'investissement en bourse, puis d'avoir une intégration dans une dimension très pratique par rapport à ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est sûr, dans un certain sens, je suis capable de célébrer ou d'apprécier le résultat. Donc, en fait, il y a quelques jours, j'avais acheté, dans le fond, des parts de Bitcoin. Hein. J'en ai pas acheté un au complet, sachant que le Bitcoin est monté à 125 000. J'ai pas acheté ce prix-là. J'ai acheté plutôt des fonds négociés en bourse avec option d'achat liée au Bitcoin. Il y a plusieurs mois, là, je les ai vendus avec un profit de 50 %. Bon, ben, concrètement, ça m'a permis de surperformer le marché du Nasdaq 100, S&P 500. Donc, par rapport à mon résultat, mon objectif, c'était de revendre ça avec profit puis de surperformer le marché en quelques mois, en moins d'un an. Ça a été le cas. Donc, mon objectif est atteint. Donc, concrètement, fait que là, je fais pas de pelletage de nuages quand je parle de ça. Puis, j'ai eu des bons résultats en bourse aussi. Là. J'ai vendu de l'Ethereum avec 55 % de profit. Donc, j'ai parlé pendant plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube que l'investissement en crypto, ben, ça peut donner des opportunités d'augmenter son capital. Concrètement, je l'ai vécu. Est-ce que je dis aux gens de faire ça? Pas du tout. Je ne suis pas conseiller financier, je ne peux pas donner de conseils financiers, mais je peux observer que dans mon cas, ça fonctionne. J'avais acheté du Bitcoin alors qu'il valait environ 80 000 $ US. Il y a quelques jours, c'est-à-dire le 6 octobre, il était monté à 125 000 $ US. Je l'ai vendu. Dans les prochaines heures, je me suis dit, vu que c'est un chiffre magique, c'est un seuil psychologique qui est franchi, hein, 125 000. Après ça, il y en a un autre, c'est 150 000 ou 100 000. Comme le seuil psychologique qui avait été franchi de 80 000 à 100 000, ça avait amené un lot de liquidation dans les jours qui ont suivi, ben, j'avais anticipé que par la suite, il allait y avoir une baisse parce qu'il y aurait des gens qui visaient, ça a donné comme objectif de le vendre leur part de Bitcoin ou Bitcoin qu'ils ont à 125 000. Puis par la suite, qu'est-ce qui allait arriver? Bien, il y aurait une vague de vente qui amènerait une baisse au niveau de la demande momentanée, ce qui a été le cas. Ça a descendu à 121 000. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il est revenu à 123 000, mais pas autant que 125 000. Fait que avec le temps, je commence à comprendre le marché et être capable d'anticiper ses mouvements. C'est un peu comme une respiration haussière, puis après ça, une expiration, puis là, des gens qui sortent du marché. Puis après ça, ben tranquillement, si la demande revient, ben là, ça va rehausser. Puis là, peut-être qu'il va monter à 130 000 dans quelques jours. Mais bon, je ne voulais pas faire une chronique crypto aujourd'hui, mais je veux tout simplement dire aux gens, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter mes chroniques ou ce que je parle en solo, pour étudier un sujet plus à caractère vibratoire, mais pas celle où je commente la finance, que, à quelque part, la finance, on peut aller chercher un résultat concret par rapport à ça. Ce qui a été dans mon cas, j'ai célébré ma victoire en en parlant entre autres avec ma compagne. C'est quand même bien 50 % de profit. Mais là, j'ai d'autres objectifs, d'autres défis, là, naturellement. Mais je veux compléter quand même comme faut sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, la dégradation psychique par rapport à la dégradation physique. C'est que tant que les personnes ne sont pas capables de contenir l'esprit puis d'être ajustées dans leur agissement en relation avec ça, ben c'est sûr que tu as des personnes qui, pendant toute leur vie, vont boire des boissons gazeuses, vont mal s'alimenter. Puis après ça, ben qu'est-ce qui arrive? Problème de cholestérol, problème d'artère bouchée. Puis ensuite, pour ce qui est du sucre, ben ça a un impact naturellement sur l'alimentation du cerveau. Puis ça peut perturber le cerveau, le sucre en trop grande quantité. Puis après ça, on se ramasse avec un paquet de personnes qui vivent de la démence dans les sociétés occidentales. Sans compter des maladies comme le diabète. Pourquoi? Ben c'est parce que si les personnes ont des comportements qui ne sont pas ajustés, parce qu'ils n'ont pas accès à une conscience plus grande, puis ne sont pas capables de l'intégrer, ben ils sont dans la marde. Tout simplement ça, le point. C'est ça, dans un monde idéal, si on pouvait prendre un enfant puis l'encadrer adéquatement sans qu'il soit exposé à des comportements autodestructeurs ou malsains en société, ça serait l'idéal. Sauf que la société est vampirisée par l'astral, une forme de corruption psychique liée aux masses des égrégores planétaires. Moi-même, j'ai une fille présentement, puis quand je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau Internet, cyber-intimidation, il y a des enjeux que les jeunes aujourd'hui n'avaient pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Moi, quand j'étais jeune, j'ai 44 ans, les adolescents qui avaient 12-13 ans, ils n'avaient pas tous des téléphones cellulaires, là. Donc, puis ils n'envoyaient pas tout le temps des photos à d'autres personnes, puis il n'y avait pas de cyber-intimidation. Les gens n'étaient pas d'une manière aussi présente qu'aujourd'hui sur le cyberespace. Donc, aujourd'hui, il y a des jeunes, notamment des adolescents, qui sont intimidés dans les cours d'école. Sur le plan physique, chose qu'il y avait cours autrefois dans mon jeune temps, mais aussi sur le web. Donc, la cyber-intimidation et l'intimidation que la personne peut venir vivre pendant son temps ou ce qui est aux études pendant la journée ne prend pas fin lorsqu'elle sort de la cour d'école, parce que lorsqu'elle retourne chez elle, elle est confrontée à l'intimidation qu'elle peut vivre, là, soit qu'elle soit sur Instagram, Facebook, TikTok ou différents types de réseaux sociaux. Donc, la technologie va servir de relais, de prolonger l'intimidation qui est en lien avec l'astralisation des gens. L'astralisation, c'est la liaison psychique à des êtres humains, dans certains cas, malgré eux, à des forces involutives qui n'ont pas intégré la lumière de l'esprit et l'intelligence. Des forces de domination, de vampirisation. Et là, à ce moment-là, ben, ces forces-là peuvent amener des personnes à s'astraliser, qui sont mis dans des états de dépression, de tristesse, puis dans certains cas, dans le pire des cas, se suicider. Donc, il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver par rapport à ça, qui sont extrêmement nuisibles, néfastes, malveillantes. Donc, c'est très grave ce qui peut se passer avec les technologies qui va décupler, augmenter la puissance de l'astral. Puis là, au moment où on se parle, on est dans l'âge du développement de l'intelligence artificielle qui va augmenter de plus en plus le potentiel de l'astralisation humaine d'une manière exponentielle si ceux qui programment l'intelligence artificielle sont astralisés et vont contaminer l'intelligence informatique par rapport à ça. Donc, un relais, hein? La personne astralisée qui crée, par exemple, des virus informatiques pour contaminer des ordinateurs en vue de faire des attaques parce qu'elle est malveillante, pour pirater des données, faire du rançonnage de données personnelles sur des ordinateurs. La personne qui fait ça sous dictée astrale, dans l'optique de produire du chaos sur Terre, est le relais d'une énergie involutive malsaine, ce que certains vont appeler comme étant démoniaque satanique. En fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est que l'ensemble du web ou des activités qui s'y déroulent sont en lien avec le plan astral. Il y a très peu de lumière prépersonnelle pulsée, émanée sur le plan vibratoire à travers les sites web, les vidéos, les commentaires. L'intelligence est rare et elle sera rare encore longtemps car l'humanité présente aura éventuellement été épurée ou des gens vont s'autodétruire par rapport à leur propre folie mise en relation avec les forces de domination et de division des individus créant des oppositions qui vont amener dans certains cas des peuples entiers ou des personnes à sombrer dans un état de dégradation psychique, d'insanité. C'est écœurant ce que je reçois comme information, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mal tourner avec des problèmes de santé mentale, puis il y a comme un gouffre, un état d'enlisement qui est en cours présentement. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ben, mon propos, ça va être sans doute être le cas dans mes prochains enregistrements, ramène tout le temps l'individu par rapport à lui-même. Et au constat que la personne doit s'occuper d'elle d'abord, des fois c'est à travers des petites choses. Moi, récemment, il y a à peu près 2 semaines, j'ai écouté un enregistrement sur le web où il était question que faut réduire l'exposition au plastique qu'on va absorber par rapport à des microparticules. Puis même si on utilise des contenants de plastique sans BPA, il peut y avoir d'autres composantes toxiques dans le plastique qui peuvent être nuisibles pour l'organisme humain. Donc, j'utilisais des contenants de plastique dans lesquels je mettais ma nourriture. Donc, si je fais une quantité de nourriture trop importante que je ne consomme pas pour un seul repas, je conservais les restants du repas dans un contenant de plastique. Puis en écoutant l'enregistrement, c'est sûr que l'alternative, c'est d'utiliser des contenants en verre. J'ai été acheter des contenants en verre. Par la suite, j'ai fait des essais. Puis là, je trouve ça plus agréable. Je me sens plus en paix avec la nourriture que je mange. Mais il faut dire que dans les contenants de plastique, dans le passé, il y en a que je mettais au micro-ondes, puis le plastique fondait. Même chose pour une spatule en plastique pour faire mon alimentation. Là, je m'étais dit, ouais, si ça fond, c'est parce qu'à un moment donné, je vais en manger ou j'en ai déjà mangé. Là, t'sais. Puis si on en accumule trop en grande quantité, c'est pas sain pour l'organisme humain, là, naturellement. Fait que là, la spatule, au lieu d'utiliser les spatules de métal, je me suis acheté un kit de spatules en acier inoxydable. Puis pour ce qui est des contenants de plastique que j'utilisais, j'utilise maintenant des contenants en vitre. Puis là, j'ai parlé de ça à ma compagne. J'ai dit, ben là, nous autres, on a une jeune fille. Peut-être que c'est intelligent de ne pas la surexposer au plastique. Déjà que les jeunes sont exposés à un paquet de jouets en plastique, puis dans certains cas, ils mettent ça dans leur bouche, puis les biberons, les contenants de biberons sont en plastique. Fait que pourquoi pas mettre la nourriture que notre fille va manger dans des contenants en verre, d'autant plus qu'elle est dans une situation de croissance. Elle va avoir 3 ans dans quelques semaines, donc à 2 ans et quelques. Mais ça, c'est toutes des petites choses que je fais, des petits changements. J'écoute des vidéos. Des fois, il y a des choses intéressantes sur le web. Puis là, on peut faire des petits ajustements comme ça. Mais il en demeure pas moins. Ça, c'est mon constat. Quand je le réfléchis, il m'occasionne beaucoup de tristesse. Notre société est malsaine. Notre société est vouée par des forces qui sont nuisibles, qui sont néfastes. Et beaucoup d'individus, présentement, se dirigent et s'enlisent à travers l'influence astrale dans des comportements autodestructeurs. C'est ce que j'ai à dire. C'est le constat que je fais. C'est plate, mais c'est ça. Il faut se protéger de la stupidité humaine, de la bêtise humaine, de la société en voie de déchéance. Là, les gens vont dire, « Ah, ben là, t'es pessimiste, etc. » Ben, on verra qu'est-ce qui adviendra dans les prochaines années, mais moi, ce que je vous dis et ce que je perçois, c'est que le développement et l'introduction très rapide de technologies amène l'astralisation de masse. Puis là, si on arrive avec, Mark Zuckerberg, là, qui a développé Facebook, qui a popularisé cette interface de réseau social avec le méta, puis le métavers, bon, bien, il y a des gens qui vont se plonger dans une réalité virtuelle, qui vont nourrir un imaginaire astral débridé avec des casses à la tête. Qui vont les mettre en contact avec une réalité qui vont les couper de plus en plus du réel. Ils vont être astralisés par rapport à ça. C'est écœurant, mais c'est ça. Ça va être de la déchéance à un certain niveau. Pourquoi? Parce que technologie sans conscience est quelque part ruine de l'homme. Là. Je sais qu'il y a une citation par rapport à ça. Je ne l'ai sans doute pas dit comme faux, mais science sans conscience et ruine de l'homme. Bon, ben c'est cette citation-là auquel je fais allusion. Là, si je pose la question à l'esprit, parce que c'est intéressant d'explorer des choses, mais c'est intéressant de pourquoi qu'il y a autant de technologies qui se développent présentement sur Terre. Ce que ça me répond, c'est qu'on est dans un temps d'accélération par rapport à des puissances astrales qui se déchaînent. Dans certains cas, il y a des inventions qu'on a l'impression de découvrir, mais en réalité, c'est des inventions anciennes en relation avec des civilisations qui ont déjà, ou des êtres, se sont déjà retrouvés sur Terre. Puis là, ça me vient en tête extraterrestre, là, naturellement, des êtres qui viennent de d'autres planètes. La personne meurt, bien l'être, c'est pas nécessairement une personne humaine, là, née sur Terre, mais disons que l'être extranéen, elle arrive sur Terre avec une technologie différente de celle des autochtones présents sur Terre. Et lorsqu'elle décède, sa pensée, qui est en lien avec la technologie, est entreposée dans l'égrégore terrestre. Puis il y a des individus liés à l'astral planétaire, au champ égrégoriel de la Terre, qui vont puiser dans les technologies qui sont présentes. Puis là, aujourd'hui, le développement d'une technologie peut faciliter le développement d'un autre, et ainsi de suite, d'une manière exponentielle. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a l'introduction de technologies qui ne sont pas nécessairement ajustées au développement humain. Puis là, ça crée des déséquilibres. Ce que ça me dit, c'est que la bombe nucléaire, là, qui a été utilisée pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale avec les incidents de Nagasaki et Hiroshima qui ont amené le Japon à capituler, c'est pas Oppenheimer qui, à travers le projet Manhattan, qui a inventé ça. En réalité, il y a des scientifiques, des savants qui ont capté psychiquement l'information en relation avec le fait qu'on peut faire une bombe nucléaire. Puis, ils ont articulé l'invention sur le plan physique. Ensuite, on peut poser la question pourquoi des êtres sur le plan invisible auraient intérêt de donner cette information-là à l'être humain, pour que l'être humain puisse y avoir accès. Ce que ça me répond, c'est que c'est pas nécessairement les êtres du plan éthérique qui cherchent l'évolution humaine qui ont intérêt à ce que l'être humain ait accès à ça, mais c'est plutôt des êtres sur le plan astral, sachant que ça va créer une grande frayeur, une grande peur. Et on l'a vu à travers le phénomène de la guerre froide qui s'en est suivi entre les États-Unis et l'URSS avec la Russie derrière. La peur de la destruction de l'humanité actuelle à travers une guerre thermonucléaire a créé des tensions énergétiques chez beaucoup de personnes et la peur a été un vecteur d'astralisation. En fait, ce que ça me dit intérieurement, c'est que la plupart des technologies qu'on utilise présentement ne sont pas ajustées pour la santé énergétique du corps biologique et énergétique humaine, de l'être humain. Les téléphones cellulaires, là, moi j'ai un téléphone cellulaire au cas où que, par exemple, je me promène en auto, puis à un moment donné, j'ai une auto qui me rentre dans le derrière, puis j'ai un accident. Mais en tant que tel, le téléphone cellulaire, je n'ai rien savoir d'avoir ça sur moi, encore moins dans ma poche de pantalon à la hauteur de mes testicules. Pourquoi? Ben, la vibration qui émane du cellulaire, puis à un moment donné, j'aimerais ça avoir le contraire, mais toutes les cellulaires que j'ai perçus avec le temps, c'est tout le temps une vibration qui crée une tension énergétique. Même notre technologie d'électricité, les lignes électriques, là, ça crée une tension qui n'est pas adaptée à nos corps physiques. Les gens vont dire, voyons, ça se peut pas, ça fait plusieurs décennies qu'on utilise massivement l'électricité, mais c'est pas parce qu'on l'utilise que ça s'est ajusté à nos corps physiques, biologiques. L'électricité, je la vois comme un moindre mal, parce que, bon, moi, je vis présentement au Québec. Sans électricité l'hiver, c'est bien beau vouloir de se chauffer avec des cordes de bois et de la bûche, mais ça a ses hosties de limites. Fait que là, le confort moderne avec la chaufferette, avec l'eau chaude, ça prend de l'électricité. Mais je le dis présentement, peut-être que je ferai un enregistrement dans 10 ou 20 ans, mais mon constat est que l'électricité expose à une tension énergétique qui n'est pas nécessairement saine. Même chose, c'est encore pire à le cellulaire. Moi, je ne me tiens jamais que le cellulaire à la hauteur de ma tête d'une manière prolongée. J'essaie de prendre ma distance ou de l'accorder sur le divan, mais jamais rester avec ça. Pour moi, c'est comme un élément qui perturbe mon énergie. Même l'ordinateur devant lequel je fais l'enregistrement, à mon niveau, c'est un élément qui est malsain à un certain niveau parce que ça crée une tension. L'ordinateur vibre à un certain taux vibratoire, le cellulaire aussi, mais ce n'est pas des taux qui sont compatibles avec l'aura humaine. Puis là, après ça, on entend parler sur Internet des phénomènes d'hypersensibilité. Puis là, il y a des gens qu'il faut qu'ils coupent le contact avec les cellulaires, puis les appareils, puis les taux de retransmission d'antenne cellulaire, ben c'est normal, Chris. La technologie n'est pas ajustée, puis trop est exposée, ça perturbe la structure énergétique et subtile humaine, puis éventuellement les cellules physiques, puis les cellules qui sont trop perturbées, ça peut occasionner des mutations, puis les mutations peuvent occasionner du cancer. Voilà. trop en grande quantité quelque chose d'être exposé sans avoir la contenance par rapport à ça, c'est malsain. C'est... Là, il y a trop d'exposition à des ondes électromagnétiques dans certains lieux, certaines zones, puis il y a des êtres humains qui en payent le prix ou qui en paieront le prix. C'est un petit peu comme trop être exposé au sucre. Bon, ben, il y a des gens qui développent du diabète. Puis après ça, l'être humain traite mal le sucre. Puis ça crée des problèmes. C'est ça le point. C'est pas moi qui vais changer le monde en passant. Là. J'ai à m'occuper de ma vie, puis à essayer de ne pas me mettre dans le pétrin, puis dans le marde, ou réduire la pollution. Tu sais, c'est pas nécessairement facile ni évident. Ce que ça me dit, c'est que présentement, l'esprit cherche à amener des correctifs au sein de l'humanité par rapport aux technologies, mais l'appât du gain, le désir de faire de l'argent rapide avec des technologies très invasives, très polluantes sur le plan psychique, va contrecarrer ce mouvement d'intelligence. Mais éventuellement, il y aura des ajustements. Et puis, c'est juste une question de temps, là. Bon, si je poursuis la lecture, puis je vais essayer de compléter pour le vrai là, sur la question de la dégradation psychique et physique. Ben, la racine du mal est psychique. Des psychés désajustés vont occasionner des problèmes au niveau physique, des problèmes au niveau de la pollution par rapport à la production industrielle, l'obsolescence programmée qui crée une grande quantité de déchets. Le fait qu'on gère mal les ressources naturelles, etc. Bon, ben, c'est lié avec des problèmes de pollution psychique. Quelqu'un qui est impeccable dans le mental, il ne cherchera pas nécessairement à polluer l'environnement ou exploiter toutes les forêts jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'arbres ou tuer tous les poissons jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, ou même chose pour les bisons. Il va avoir une relation plus équilibrée à l'environnement. Mais il y a un paquet de cercles vicieux qui font en sorte que plein d'êtres humains s'enlisent puis sont pris dans un scénario qu'ils ne peuvent pas se sortir par eux-mêmes. Et ça, c'est dramatique. Prenons par exemple la personne qui se ferait astraliser progressivement, avait des problèmes cognitifs, éventuellement connaît la démence, à un moment donné rendu un stade avancé d'Alzheimer, puis là, elle ne sait plus qui qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, puis où elle est, puis ça va être de même jusqu'au moment de sa mort, puis elle peut pas, il ne peut pas en être autrement, puis ça, c'est l'aspect de la fatalité, puis lorsque je le réfléchis psychologiquement, que je trouve très dur, avec ma conscience, ma sensibilité, mes émotions, mais je suis obligé d'accepter qu'il y a sans doute des gens de mon environnement, des proches que je peux avoir appréciés pendant de nombreuses années, vont se ramasser dans une situation de dégradation, puis ils ne pourront pas en être autrement. Non pas parce que la personne ne veut pas qu'elle en soit autrement, mais que c'est de l'ordre de la fatalité. Quand que je dis ça, c'est très lourd de réalité et de conséquences. Là. Ça veut dire que quelqu'un qui veut s'en sortir, dans certains cas, ne peut pas, même s'il le veut, parce qu'il n'y a pas le soutien énergétique de l'esprit qui lui permettrait d'avoir une force de lucidité et de capacité d'opposition pour diminuer les dégâts dans le fond, dans sa vie, en lien avec des comportements manquant d'ajustement qui, sur longue échéance, comme par exemple consommer trop de sucre, avec trop grande sensibilité, combiné au tabagisme, consommation trop abondante d'alcool, à un enlisement dans un état de démission psychique. Ouais. Mais bon. C'est la vie. On est confronté régulièrement au phénomène du drame humain. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas rester lucide dans sa conscience. Des fois, je fais des enregistrements et je trouve ça lourd. Je trouve ça intéressant si je peux me brancher à l'esprit et pulser un petit peu quelque chose qui est un peu plus vibratoire que j'entends dans les médias de masse, là. Mon optique aussi, c'est de décrire des phénomènes. Je ne cherche pas à culpabiliser les gens parce que dans certains cas, il y a un paquet de situations qui fait qu'il ne peut pas en être autrement. Pour des raisons de problèmes d'éducation, de contenance vibratoire ou autre. On ne peut pas demander, par exemple, à un jeune enfant d'être un spécialiste dans l'étude de la physique quantique. On ne peut pas demander à un enfant qui ne sait pas marcher de faire des sauts en hauteur, parce que ce serait un manque de respect par rapport à sa personne. Mais c'est ça, il faut composer avec ce que les personnes peuvent faire, non pas nécessairement ce qu'elles veulent, puis être conscient aussi de ses propres limitations pour créer des ajustements. Mais encore là, ça, c'est souvent le plus difficile parce que nos failles, en tant qu'ego, on ne veut pas nécessairement les voir. Pourquoi? Bien, pour maintenir le statu quo, pour ne pas avoir à changer, à s'ajuster. Des fois, c'est contrariant. Parce que ça demande de l'énergie, s'ajuster. Comme là, moi, il a fallu que j'aille au magasin et m'acheter mes contenants en vitre. Puis là, après ça, il a fallu que je les nettoie. Ça fait faire une dépense. Puis là, après ça, bien là, j'étais content de les avoir, mais il y a eu un effort à faire. Puis il y a un paquet d'efforts à faire. Comme quelqu'un qui, par exemple, veut être en bonne santé, ben c'est d'agir en contradiction avec une bonne partie de la masse humaine. C'est fou, mais c'est ça. À l'heure actuelle, en 2025, les comportements sociaux humains, en général, à différents niveaux, je peux dire qu'ils sont malsains. L'idée de passer son temps avec le téléphone cellulaire, ensuite aller au restaurant, on parle avec une personne, Chris, puis elle passe son temps à pipitonner devant nous autres, elle n'est pas présente de corps et d'esprit. À un moment donné, tu te poses la question, à quoi ça sert de rencontrer des gens sur le plan physique? C'est sur le plan psychique, intellectuel, ils ne sont pas présents avec nous. Moi, j'ai déjà averti des gens de mon environnement que pendant la période du repas, d'arrêter d'utiliser le cellulaire. Surtout, c'est des gens que je vois rarement. Là. À un moment donné, je pense à l'un d'entre eux. Il dit, regarde, on se voit rarement pour un repas. Si tu peux être présent, s'il te plaît, sur le plan physique, donc présence de corps, mais aussi d'esprit, lâcher le cellulaire. Mais pourquoi que les gens sont envahis par le cellulaire? Parce qu'il y a une dépendance, puis à chaque fois qu'ils reçoivent des notifications, puis d'une suite à ça, ça entretient le produit, ça entretient le canal de la gratification dans le cerveau et la sécrétion de dopamine. À chaque fois qu'il y a des messages qui apparaissent sur le cellulaire, des alertes, etc., ça peut amener la sécrétion de dopamine du cerveau en activant le circuit de la récompense. Donc, voir à travers les notifications des formes de gratification psychologique qui entretiennent la dépendance au cellulaire. Qui veut ça? Ben, c'est entre autres ceux qui ont de l'intérêt à ce qu'on passe un maximum de temps devant le téléphone, c'est-à-dire les publicitaires, les gens qui font de l'argent avec ça, puis pour des raisons d'avarice, qui dit ces gens-là au plan astral, ils ont tout intérêt à faire la plupart des êtres humains des dépendants au cellulaire, en dépit du fait que ça peut être extrêmement nuisible pour beaucoup d'entre eux. Prenons par exemple des jeunes enfants qui deviennent rapidement dépendants au cellulaire. Puis par la suite, ben, on demande à ces enfants-là de faire du sport, alors que ils vont connaître plus de sécrétion de dopamine en utilisant le cellulaire puis en ayant des notifications, en allant sur Facebook, qu'en jouant au ballon dehors ou en ramassant des feuilles l'automne. Mais ça fait partie des effets pervers de la technologie, puis derrière ça, ben, il y a les forces astrales planétaires. Les gens vont dire, ben là, quand tu fais allusion à l'astral, c'est toi qui chosoifies ces choses-là. J'ai tendance à vous dire que des champs d'énergie, vous pouvez, si vous êtes sensible, les percevoir à un certain niveau. Je ne vous demande pas de me croire. Je n'ai pas à créer une secte, ni même être un gourou, mais il y a des gens que vous allez rencontrer, vous allez voir le regard est vide, la personne a l'air chevauchée. C'est parce qu'elle n'a peut-être pas juste l'air à l'aller. Puis des fois, les propos de la personne qui n'est pas capable de s'auto-censurer, qui est vraiment vampirisé par l'astral, vont être extrêmement nuisibles ou pernicieuses par rapport à soi. Parce que l'astral, au sein de la personne, cherche à nous attaquer, nous détruire. Surtout si on est, dans le fond, dans un état de conscience qui génère une vibration qui est inconfortable pour l'astral au sein de la personne. Ce ne sera pas la personne elle-même qui va être indisposée par nous, mais plutôt la structure énergétique et vibratoire qui cherche à opérer à travers elle, puis à nous coloniser psychique, puis de voir qu'on est capable d'être dans un taux vibratoire qui est plus élevé que la sienne, advenant le cas, crée un inconfort par rapport au parasite psychique, la chevauche. Là, à ce moment-là, ça nous expose à une guerre occulte malgré nous. Puis pour ne pas se laisser coloniser psychiquement par l'astralité de l'autre personne ou de la société en général, il faut être capable de dire non, il faut être capable de s'affirmer et il faut être capable d'avoir une puissance de volonté qui va nous permettre de rester centré pour ne pas se laisser déstabiliser. Mais ça, ça demande de la puissance en esti. C'est donné à peu de personnes. Pourquoi? Ben, présentement, peu de personnes ont la capacité de contenir l'esprit. Puis c'est pas moi qui fais les règles d'énergie, c'est pas moi qui décide. Moi, je peux contenir ce que je peux contenir, puis c'est la même chose pour les autres. Même chose par rapport à la durée d'un enregistrement à caractère vibratoire. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, puis s'il y a des gens qui ont apprécié cet enregistrement, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière. Pourquoi je le dis? Ben, c'est parce qu'il y a des gens sur Internet qui écoutent mes enregistrements depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et puis, si vous trouvez que ça vous bénéficiez de tout ça, que ça vous nourrit plus que d'écouter des bulletins de nouvelles insipides où on radote tout le temps les mêmes choses, où on cherche à vous faire peur, ou vous garder dans des situations de dépendance, bon, ben, si la vibration que je peux véhiculer à travers des enregistrements que je fais, vous trouvez ça intéressant, ben, vous êtes les bienvenus en proportion pour me faire parvenir des contributions financières via les services de paiement sécurisés, que sont Interac et également PayPal. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de mon enregistrement. Pourquoi je le mentionne? Ben, il y a un adage qui dit « demandez si vous voulez recevoir ». Ben, à un moment donné, faire ces enregistrements-là, ça me demande du temps, ça me demande de l'énergie. Et c'est la raison pour laquelle là, je propose aux gens qui apprécient ces enregistrements-là en particulier de me faire parvenir des contributions financières. Sinon, je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement. Au revoir.